gratte-ciel. Elle me dit, arrête de mytho. On connaît dans tous les comicos. Tous les soirs tu fumes dans ta caisse. J'suis trop sensible, j'veux pas que tu me blesses. Ma chérie, pourquoi tu t'inquiètes? Je ne suis plus un mec de caisse. J'ai laissé le démat élégant, même si ça me fait mal. Je veux être un gentleman. Je veux que tu sois fier de moi. Les mecs comme toi, on les connaît. Y'a que pour l'oseille, vous êtes honnête. Donc arrête avec tes paroles. C'est que devant la juge que tu promets. J'ai sorti le camo. Histoire de la faire kiffer. T'inquiète, j'ai des sous. Si je traîne plus dans la cité. Elle me prend pour un gros mytho. Elle me prend pour un gros mytho. Mais moi je croyais qu'elle voulait juste me mytho. Elle me prend pour un gros mytho. Elle me prend pour un gros mytho. Elle dit que j'ai géré toutes ces pinko. Je lui dis que j'vends plus la coco. J'viens de casser ma pluie de picos. J'traîne de moins en moins avec les potos. J'ai mis côté mon semi-auto. J'ai arrêté de faire des roues en moto. Pour toi je ferai ce qu'il faut. Tu m'as pas vu faire. Je peux pas dire que c'est pas vrai. Mais laisse-moi être ton prince. J'ai fait de toi ma princesse. J'croyais qu'elle voulait me michto. En fait, elle me prend pour un gros mytho. J'ai sorti le camoufle.